Ils ont juice. Ma tête contre la tienne. Ta peau sur ma peau. T'as mis trois buts, ma belle. On fait le coup du chapeau. On s'éloigne du monde, on fait que suivre nos pas. Jamais à l'heure, jamais à la gare. On finit sur une plage de Malaga. À la base, j'avais pas prévu mon coup, bébé. Les conseils t'ont beaucoup aidé, mais m'ont pas aidé, moi. Tu m'as laissé seul avec mes démons. Dieu m'en est témoin. Je ferai le nécessaire, Dieu m'en est témoin. Le bonheur on le cherchait, putain qu'est-ce qu'on en était loin. Des kilomètres et des kilomètres, comme Gillette je te jette. Il en reste que des miettes, mon cœur a plus de cachette. Je fais des soustractions dans mes sommes, dis-le-moi toi qui m'aimes comme personne. Y'a plus rien qui m'effraie, y'a plus rien qui me tente, y'a plus rien qui m'étonne. Je t'aime plus. On est à 240 dans les RSQ3. Faut que tu préserves mon honneur. Faut que je réserve ta pudeur. Le temps s'arrête, y'a plus d'heure. T'entends les bruits de la chaîne. Tu te sens libre, ma belle. Tu te sens vivre. Tu te sens ivre de la veille. Plein d'émotions, relations haute fréquence. Comme dans un disque d'Adèle. Fausse information. Si c'est pas vrai, faut pas me dire je t'aime. Je t'ai attendu des heures. En bas du bâtiment. Je t'aime plus. Enfin, pratiquement. Dans la théorie, mais dans la pratique, non. Non. Je t'aime plus, pratiquement. Je t'aime plus, je t'aime plus. Je t'aime plus, pratiquement. Je t'aime plus, je t'aime plus. Je t'aime plus, pratiquement. Je t'aime plus.